Leçon 4, exercice 28. Pour discuter. Exemple. Que dites-vous pour demander une explication? Que voulez-vous dire? À vous. Que dites-vous pour demander une précision? Vous pouvez préciser? Que dites-vous pour exprimer votre incompréhension? Je n'ai pas bien compris. Que dites-vous pour demander de recommencer une explication? Vous pouvez répéter? Que dites-vous pour pointer une insinuation à propos de quelque chose? Qu'est-ce que vous insinuez? Que dites-vous pour pointer une allusion au sujet de quelqu'un? À qui faites-vous allusion?